Ah, c'est bizarre, on m'entend pas le micro. 1, 2, 3. Hey. Je vais passer en mono, en stéréo. J'enlève la stéréo parce que ma carte son est pas terrible. Putain, je m'entends plus. Hey. Pourtant, j'ai